Section 7, chapitre 12 et chapitre 13. Chapitre 12. La leçon de danse. Quelque temps après, Jean dit un matin à M. Abel en lui servant son déjeuner : Monsieur aurait-il envie d'aller au bal ? M. Abel : Au bal ? Eh, ce ne serait pas de refus. Quelle espèce de bal ? Chez qui ? Jean : Un très beau bal, monsieur. On dansera. Et Simon m'a déjà fait voir comment on dansait. Nous dansons le soir dans notre petite chambre là-haut. C'est bien amusant, monsieur, allez. Savez-vous danser ? Monsieur Abel, avec une feinte tristesse. Hélas, non, si tu voulais me montrer comment on fait. Jean. Très volontiers, monsieur, mais où danserons-nous ? Monsieur Abel, avec empressement. Ici, entre les tables, il n'y a personne. Jean. Mais, monsieur, on pourrait nous voir du dehors. Monsieur Abel. Et quand on nous verrait ? Il n'est pas défendu de danser. Quel mal y a-t-il à danser ? Jean. Aucun, monsieur. Certainement. Mais ce sera tout de même un peu drôle de nous voir danser tous les deux. Monsieur Abel. Bah, je prends tout sur mon dos. Si on n'est pas content, c'est moi qui répondrai. Et si on rit de nous, nous nous moquerons d'eux. Allons, commençons. Monsieur Abel se leva, se plaça au milieu du café et se mit en position. Jean se mit en face et commença à sauter, ou plutôt à ruer, en lançant ses pieds en avant, en arrière, à droite et à gauche. « Commencez donc, monsieur. Sautez plus fort. Plus haut encore. C'est bien. Lancez le pied droit, le pied gauche, en avant, en arrière. Très bien. » Monsieur Abel, qui avait commencé en souriant et avec une gaucherie affectée, finit par rire et par s'animer de telle façon que les passants s'attroupèrent près des portes et fenêtres. Les croisées étaient obstruées par les têtes collées contre les vitres. Jean vit bientôt qu'il avait affaire à son maître en fait de danse. M. Abel faisait des entrechats, des pirouettes, des pas mouchetés, des pas de zéphyr, des pas de basque, que Jean cherchait vainement à imiter. Jean s'animait et ne se lassait pas. M. Abel riait à se tordre et redoublait de vigueur, de souplesse et de légèreté. Le public du dehors applaudissait et riait, ceux de derrière qui ne voyaient pas cherchaient à voir en poussant ceux de devant. La foule devint si compacte que les sergents de ville arrivèrent pour en connaître la cause. « Voyez, sergent, voyez vous-même. Tenez, tenez, voyez donc comme le grand est leste. Le voilà qui a sauté par-dessus le petit, et le petit qui s'essaye, le pâteau. Le voilà par terre. Ah ah ah !» Et la foule de rire. Les sergents de ville riaient aussi. Un sergent. « Messieurs, vous encombrez le passage. Passez, messieurs, mesdames, passez. » Autre sergent, cherchant vainement à dissiper la foule. « Il faut faire finir ces danseurs. Tant qu'ils seront là à faire leur gambade, nous ne viendrons pas à bout de la foule. Tiens, vois donc, en voici qui reviennent, et en voilà d'autres qui s'arrêtent. Entre dans le café Scipion, et dis-leur de finir leurs évolutions. » Scipion ouvrit la porte, entra, toucha son chapeau, et, s'adressant à M. Abel en souriant, « Monsieur, bien fâché de vous déranger, mais je vous prie de vouloir bien vous reposer, car la foule s'est amassée, comme vous voyez. Elle gêne la circulation, et nous sommes obligés de faire circuler, ce qui est difficile tant que vous serez en représentation. » « Monsieur Abel, très volontiers, mon brave sergent. Aussi bien j'en ai assez, j'ai chaud et soif. » Et s'asseyant à une table, « Garçon, de café et du cognac. Asseyez-vous donc, sergent, je régale. » Le sergent. « Mais, monsieur, mon camarade m'attend dehors. » « Monsieur Abel, eh bien, chassez la foule, donnez-leur des coups de pied, des coups de poing, n'importe, tapez avec tout ce qui vous tombera sous la main et revenez avec votre camarade prendre une tasse de café et un petit verre. » Le sergent. « Mais, monsieur, je ne sais pas si nous pourrons. » « Monsieur Abel, on peut toujours. C'est si vite fait d'avaler une tasse et un petit verre. Je vous attends. » Le sergent de ville sortit fort content et rentra plus content encore, amenant son camarade. Pendant ce temps, Jean avait apporté, d'après l'ordre de M. Abel, deux autres tasses et du kirsch. M. Abel. « Allons, messieurs, en place, je régale. » Le second sergent fit une exclamation de surprise. « Comment, monsieur, encore vous ?» M. Abel le regarda. « Tiens, c'est vous, sergent. » Et s'adressant au premier, « Votre camarade et moi, nous sommes de vieux amis. » Il m'avait pris au collet comme voleur chez un épicier il y a quelque temps, et je l'ai régalé d'un café. Premier sergent. Voleur, voleur, et tu as laissé aller, monsieur ? Monsieur Abel. C'est que j'étais un voleur pour rire. Soyez tranquille, votre camarade est un brave des braves. Il ne manquera jamais à son devoir. Il arrêterait plutôt 10 innocents que de relâcher un seul coupable. » Les sergents rirent de bon cœur. « Monsieur est un farceur, » dit le premier sergent. « Mais il faut tout de même prendre garde, monsieur. Il y en a parmi nous qui n'aiment pas qu'on les mystifie et qui pourraient bien, par humeur, vous emmener au poste. » « Monsieur Abel, eh bien, le grand malheur, je régalerai le poste. Je le griserai, je lui ferai faire la manœuvre. Ce serait charmant. » Deuxième sergent. « Et la correctionnelle au bout de tout ça, monsieur ? Pour le soldat, c'est pire encore, le cachot et le code militaire. » « Monsieur Abel, nous n'irions pas si loin, sergent. Je connais mon code et je sais jusqu'où on peut aller. Allons, à revoir, sergent. Et au café, c'est plus agréable que le poste. Et c'est toujours moi qui régale. » Les sergents remercièrent et sortirent. Premier sergent. « On voudrait avoir tous les jours affaire à des gens comme cet original. » Deuxième sergent. « Oui, mais quel farceur. Cette idée de nous régaler. Il est bon garçon tout de même. » Premier sergent. « Je crois bien que c'est lui qui a fait l'autre soir la farce du concert, chez l'épicier. D'après ce qu'en disait l'épicier, ce devait être lui. » Deuxième sergent. « Et quand ce serait lui, il n'y aurait pas eu grand mal. » Premier sergent. « Ma foi, il les a tous mis sans dessus-dessous. L'épicière s'est trouvée mal, les femmes criaient, c'était une vraie comédie. » Deuxième sergent. « Et assez drôle, tout de même. L'épicier était-il en colère ? Et le petit épicier qui pleurait comme un imbécile. » Premier sergent. « Ah oui, cette espèce de jocrisse qu'on appelle Jeannot. » Pendant que les sergents causaient dehors, M. Abel faisait boire à Jean une tasse de café dans laquelle il avait versé du kirsch. Jean avait chaud, le café et le kirsch lui firent grand bien et surtout grand plaisir. Le café commençait à se remplir, les habitués arrivaient. « Monsieur Abel, dis donc, Jean, tu ne m'as pas dit chez qui nous aurions un bal ?» Jean, « Monsieur, c'est chez des gens très comme il faut, des marchands de meubles d'occasion, amis de Monsieur Pontois, qui ont un grand appartement dans la rue Saint-Roch. » Monsieur Abel, « Beau quartier, belle rue. » Jean, « Le quartier est beau, c'est vrai. Mais je demande pardon à monsieur si je ne suis pas de son avis quant à la rue. Je ne la trouve pas belle, moi. » Monsieur Abel, « C'est que tu n'as pas de goût, mon ami. Vois donc quels avantages on y trouve. D'un côté à l'autre de la rue, on peut se donner des poignées de main sans se déranger. Le soleil ne vous y gêne jamais. Dans l'été, on y a frais comme dans une cave. Il fait tellement sombre dans les appartements que les yeux s'y conservent jusqu'à 100 ans. Ce sont des avantages, de grands avantages, qu'on trouve de moins en moins dans Paris. » Jean le regardait, moitié étonné, moitié souriant. « Vous vous moquez de moi, monsieur, » dit-il enfin. Monsieur Abel, souriant. « De toi, mon garçon, jamais. De la rue, je ne dis pas. C'est une sale rue, que je ne voudrais pas habiter pour un empire. Et comment s'appelle notre Richard qui nous fera danser dimanche ?» Jean, « Monsieur Amédée, monsieur, c'est un gros marchand, du haut commerce, celui-là, qui a une dame et deux jolies demoiselles. L'aînée, surtout, est bien bonne, bien aimable. » Monsieur Abel, « Comment les connais-tu ? » Jean, « Parce que Simon y va quelquefois le dimanche, après vêpres, ou bien quand le café est fermé et que les Amédées ont du monde chez eux. Il m'y a mené. C'est bien beau, monsieur. » Monsieur Abel, « Quel âge a la demoiselle aînée et la petite ?» Jean, « L'aînée approche de 19 ans, monsieur. L'autre, de 16 à 17. » Monsieur Abel, « L'aînée irait bien à Simon. » Jean, « Oh, monsieur, Simon n'a que 23 ans. Il ne se mariera pas avant 4 ou 5 ans d'ici. Il faut qu'il amasse un peu d'argent pour avoir de quoi entrer en ménage. On ne lui donnerait pas Mademoiselle Aimée sans cela. » Monsieur Abel, combien lui faut-il ? Jean, il lui faut bien 2 à 3 000 francs, monsieur. Mais il a maman à soutenir. Maintenant que nous voilà deux à gagner, cela ira plus vite. Monsieur Abel, est-ce que tu ne gardes pas ce que tu gagnes ? Jean, pour ça non, monsieur. Je donne tout à Simon, qui fait comme il veut. Il envoie à maman là-dessus. » Il y avait beaucoup de monde au café. Simon appela Jean pour aider au service. La conversation avec M. Abel fut interrompue. Celui-ci resta encore quelque temps au café. Il regardait sans voir, et il n'entendait pas ce qui se disait autour de lui. Il se retira enfin et sortit tout pensif, se dirigeant vers les Tuileries, où il acheva d'arranger dans sa tête l'avenir de Simon. « Il faut qu'il paraisse au bal à son avantage, se dit-il, et mon petit Jean aussi. » Chapitre 13. Les habits neufs. Le lendemain, quand M. Abel vint déjeuner au café, Jean courut tout joyeux. « Monsieur, monsieur, savez-vous le bonheur qui nous arrive à Simon et à moi ?»« Monsieur Abel, non, comment veux-tu que je le sache ?» Jean, « Hier, dans l'après-midi, monsieur, il est venu un beau monsieur qui nous a demandé, Simon et moi. Il nous attendait, chez le portier. On n'avait pas besoin de nous au café, c'est l'heure où il y a le moins de monde. Nous y sommes allés, le beau monsieur nous a dit qu'il venait nous prendre mesure pour nous faire des habits neufs. Simon a refusé. » Monsieur Abel, contrarié, « Pourquoi cela ? Il devait accepter. » Jean, « Mais monsieur, il ne voulait pas dépenser tant d'argent. » Monsieur Abel, de même, « Et puisqu'on les lui donnait ?» Jean, « Tiens, comment avez-vous deviné ça ? Ce monsieur nous dit qu'il avait ordre de nous habiller, qu'il était payé d'avance, et je ne sais quoi encore. Simon hésite, le monsieur lui dit que ses ordres sont de faire les habits, sous peine de perdre la pratique. Simon demande qui c'est et pourquoi c'est. Le monsieur dit que c'est du grand artiste, un peintre, qui est très bon et très original, qu'il nous a vus un jour mal vêtus et qu'il veut que nous soyons bien habillés. Il ajoute que si nous ne le laissons pas faire, nous lui faisons perdre sa meilleure pratique. Simon a enfin consenti, le monsieur nous a pris mesure, et il nous apportera nos habits demain, et nous serons comme des princes le jour du bal de Monsieur Amédée. Il ne manquera qu'une chose, c'est la chaussure, la cravate et le linge. Mais quant au linge, Simon m'a dit que nous boutonnerions nos habits pour cacher la chemise et dissimuler la cravate. Ce sera très bien comme ça. Monsieur Abel, cet imbécile de tailleur, comment n'a-t-il pas pensé au linge et aux bottines ? Jean, il ne faut pas injurier ce pauvre homme, monsieur, ce n'est pas sa faute. Il a fait comme on lui a commandé. Monsieur Abel, tu as raison, c'est l'autre qui est un sot, un imbécile. Jean, oh monsieur, un si bon monsieur, qui prend intérêt à nous sans nous connaître, et qui fait une si grande charité, et avec tant de bonté et de grâce. Monsieur Abel, je te dis que c'est un animal. Quand on fait une bonne action, il ne faut pas la faire à demi. La jolie figure que vous ferez, avec des habits élégants, des chaussures de porteur d'eau, une cravate de coton à carreaux, et le chapeau, y a-t-on pensé ? Jean, je ne crois pas, monsieur. Mais on ne garde pas son chapeau dans une maison comme il faut, où l'on danse. Nous irons sans chapeau, Simon et moi. C'est si près. Avec ça qu'il fera nuit. Monsieur Abel, et que la rue Saint-Roch n'est déjà pas si éclairée. Monsieur Abel déjeuna vite ce jour-là. Il dit à Jean de servir promptement, qu'il était pressé. Jean fit de son mieux, Monsieur Abel aussi, de sorte qu'un quart d'heure après, ce dernier était parti. Simon et Jean voyaient Jeannot de moins en moins, mais ils savaient qu'il devait aller au bal de Monsieur Amédée. Jean, pauvre Jeannot, il sera mal habillé, tandis que nous, nous serons si beaux. Simon, ah bien, il s'amusera tout de même. Nous pourrions lui prêter mes vieux habits que tu avais à la soirée de Monsieur Pontois. Ils sont très bien encore. Jean, ils lui iront bien, comme à moi, puisque nous sommes de la même taille. Si j'allais le lui dire. Simon, oui, va, mon bonhomme, et ne sois pas longtemps. Il pourrait venir du monde encore, et il y en a déjà pas mal. Jean, je ne resterai que le temps de lui dire la chose et d'avoir un oui ou un non. Jean sortit et arriva en courant. En ouvrant la porte, il entendit qu'on se disputait. Il ne tarda pas à voir que c'était Monsieur Pontois qui grondait Jeannot. « Monsieur Pontois, je te dis que j'en suis sûr. Ma femme t'a vu prendre une poignée de dattes et de figues. Elle a vu que tu les mangeais. » Jeannot, « Mais monsieur, je les ramassais pour les mettre à la montre. »« Menteur, voleur !» s'écria Monsieur Pontois. Et se jetant sur Jeannot, il lui tira une poignée de cheveux, lui donna des claques et des coups de pied, et l'envoya à l'autre bout de la chambre. Monsieur Pontois, c'est la dixième, la centième fois que tu me voles, petit gueux, que je t'y prenne encore une fois et je te mets à la porte, comme un voleur. Monsieur Pontois s'en alla sans avoir aperçu Jean et laissa Jeannot pleurant et se désolant. Jean s'approcha de son cousin. Jeannot, lui dit-il affectueusement, prends courage, ne pleure pas, je viens te proposer quelque chose qui te fera plaisir. « Simon t'offre de te prêter pour le bal de Monsieur Amédée les habits que j'avais à votre soirée. » Jeannot essuya ses larmes et prit un air moins malheureux. « Jeannot, je veux bien, je n'avais rien à mettre. Je te remercie bien, et Simon aussi. Mais toi-même, que mettras-tu ? Jean, je mettrai autre chose. Je ne suis pas embarrassé avec Simon. Jeannot, tu es bien heureux d'être avec Simon. Tu es tranquille là-bas, et toujours gai et content. Il n'en est de même pour moi. Je pleure plus souvent que je ne ris. Peu de gages, beaucoup d'injures, du travail par-dessus la tête. Jean, il ne faut pas croire que nous n'avons rien à faire au café. Je suis sur pied du matin au soir. Toi, tu as tes dimanches au moins. Jeannot, joli dimanche. C'est à qui ne m'emmènera pas. Je m'ennuie et je pleure. Ça fait un beau dimanche. Jean, et pourquoi ne viens-tu jamais nous voir ? Simon et moi, nous sortons chacun notre tour le dimanche. Nous t'emmènerions. Jeannot, merci. Pour aller à Vêpres, au Sermon, grand plaisir, jolie distraction. Jean, ça fait du bien d'aller quelquefois prier le bon Dieu dans l'église, chez lui, dans sa maison. Jeannot, j'aime mieux me promener. Jean, pauvre Jeannot, tu ne disais pas comme ça au pays. Jeannot, au pays, j'étais un sot. Mes camarades m'ont formé à Paris. Jean, déformé, tu veux dire. Qui gagnes-tu ? Tu n'en es pas plus heureux, tu ne t'en amuses pas davantage, et tu n'as plus la consolation de prier. Jeannot, comment veux-tu que je sois heureux, que je m'amuse, avec des méchants maîtres comme les miens ? Jean, méchants ? Qu'est-ce que tu dis donc ? Simon m'a dit qu'ils étaient bons, et qu'ils traitaient très doucement leurs garçons. Jeannot, les autres, c'est possible, mais pas moi toujours. Jean, Jeannot, prends garde d'être ingrat. Jeannot, tiens, Jean, tu m'ennuies avec tes sermons. C'est pour ça que je ne viens plus vous voir, Simon et toi. Envoie ou apporte-moi les habits que tu m'as promis et ne me fais pas de morale. Aussi bien je suis mal ici, je crois bien que je n'y resterai pas. Jean, où veux-tu aller ? Que veux-tu faire ? Jeannot, je t'en prie, ne fais rien de grave sans consulter Simon. Il est si bon, si sage. Jeannot, envoie-moi tes habits. Je ne te demande pas autre chose. Jean soupira et s'en alla lentement en répétant « Pauvre Jeannot !» Simon, auquel il raconta le soir sa conversation avec Jeannot et la scène dont il avait été témoin, alla lui-même porter les habits promis à Jeannot et causa longuement avec M. Pontois. Quand il rentra, il était soucieux, et au premier moment où ils se trouvèrent, seuls, au café, son frère et lui, il dit à Jean « Je ne suis pas content de Jeannot, et M. Pontois en est fort mécontent. Jeannot ne veut pas y rester, et M. Pontois ne veut pas le garder. C'est malheureux pour Jeannot, il aura de la peine à se placer. M. Pontois l'accuse de voler un tas de choses qui se mangent. Mais ce qui est pis, c'est que M. Pontois est presque certain que lorsqu'il vend, il ne met pas dans la caisse tout l'argent qu'on lui donne. Ceci me chagrine, car c'est le fait d'un voleur, et comment puis-je le placer ailleurs avec un pareil soupçon ? Jean. Pauvre Jeannot. Mais, Simon, si tu en parlais à M. Abel, il est si bon, il te donnerait un bon conseil, j'en suis sûr. Simon. Oui, tu as raison, cela pourrait être utile à Jeannot. M. Abel connaît tant de monde, et je pense comme toi qu'il est de bons conseils. Peu de temps après, le tailleur vint leur apporter leurs habits, auxquels il avait ajouté des chemises fines, des cravates blanches et en taffetas noir, des chaussettes, des gants. Il était accompagné d'un cordonnier qui apportait un paquet de brodequins de soirée à essayer, et d'un chapelier qui apportait des chapeaux. Jean était dans une joie folle. Simon contenait la sienne, mais elle était aussi vive que celle de son frère. Tout allait parfaitement. On trouva des brodequins qui chaussaient admirablement, sans gêner le pied, des chapeaux qui allaient on ne peut mieux, et des gants qui se mettaient sans effort, car Simon et Jean ne voulurent pas avoir les mains serrées. Le tailleur avait poussé l'attention jusqu'à mettre des mouchoirs dans les poches des habits. Simon et Jean ne savaient comment exprimer leur reconnaissance. Ils chargèrent le tailleur des remerciements les plus tendres, les plus respectueux pour le bienfaiteur inconnu. Quand M. Abel arriva, Jean, qui l'attendait avec une grande impatience, lui servit son déjeuner. Jean, oh monsieur, si vous saviez comme ce monsieur peintre est bon, vous seriez bien fâché de ce que vous en disiez l'autre jour. Ce bon, cet excellent monsieur peintre a pensé à tout. Nous avons tout ce qu'il nous faut, Simon et moi, tout, jusqu'à des mouchoirs blancs et fins pour nous moucher. Chapeaux, chaussures, linge, gants, rien n'y manque, rien. N'est-il pas d'une bonté à faire pleurer ? Oui, monsieur, c'est vrai ce que je vous dis. Quand nous avons monté nos effets dans notre chambre, nous nous sommes mis à genoux, Simon et moi, pour prier le bon Dieu de bénir cet excellent monsieur peintre. Et nous avons pleuré tous deux dans les bras l'un de l'autre, pleuré de joie, de reconnaissance. Oh oui, le bon Dieu le bénira, monsieur. Ce qu'il a fait là n'est pas une charité ordinaire. Non, non, il y a quelque chose dans cette bonne action que je ne puis pas définir, mais qui me va au cœur, qui me touche, qui m'attendrit, qui annonce un cœur tout d'or. Ah, que la femme et les enfants de cet excellent homme sont heureux. S'il est si bon, si attentif, si généreux pour deux pauvres garçons étrangers qu'il a à peine aperçus et qu'il ne connaît seulement pas, que doit-il être pour sa famille, pour ses enfants ? Jean couvrit son visage de ses mains. Monsieur Abel le regardait. Après un instant de silence, Jean continua. Il n'y a qu'une chose qui nous peine, Simon et moi, c'est de ne pouvoir lui témoigner notre reconnaissance, notre vive affection. Cela fait vraiment de la peine, monsieur. C'est comme un poids pour le cœur. Monsieur Abel ne mangeait pas. Il avait écouté, avec un attendrissement visible, l'élan passionné de la reconnaissance de Jean. Il ne l'avait pas quitté des yeux un instant. Il admirait cette jolie figure, embellie encore par l'expression d'enthousiasme qui éclairait son regard. Il était surpris du langage devenu presque éloquent de ce pauvre petit paysan qui, peu de mois auparavant, avait le langage commun de la campagne. Jean ne parlait plus, et M. Abel le regardait encore. Jean, de son côté, ne pensait plus ni au café ni à son service. Dominé tout entier par sa reconnaissance, il restait immobile, les yeux humides, et toute son attitude exprimait un profond sentiment de gratitude et d'affection. « Tu es un bon garçon, tu as un bon cœur, et tu sais reconnaître ce qu'on fait pour toi, Jean, » dit enfin M. Abel en lui serrant fortement la main. « Et maintenant, mon enfant, apporte-moi mon café bien chaud. » Jean alla chercher le café. « Monsieur, » dit-il en l'apportant, « ne pourriez-vous savoir, par ce tailleur, le nom de notre généreux bienfaiteur ? Je serais si heureux de pouvoir le remercier. » « Monsieur Abel, peut-être pourrais-je le savoir, mon ami, je m'en informerai. » À ce soir, chez M. Amédée, j'arriverai un peu tard, vers 10 heures, car j'ai affaire avant. Adieu, Jean, ajouta-t-il avec un sourire particulièrement bienveillant. Adieu, monsieur, dit Jean en le suivant des yeux. Je l'aime, pensa-t-il, je l'aime beaucoup. La journée se passa lentement. L'impatience de Simon et de Jean surtout augmentait à mesure qu'approchait l'heure du bal. M. Métis leur donna congé de bonne heure. Ils dînèrent à la hâte et grimpèrent leurs 5 étages, lestes et légers, comme des écureuils. Ils se débarbouillèrent et se peignèrent avec soin, puis commença la grande toilette. Linge, habits, furent encore examinés, retournés, admirés. Jean embrassait toutes les pièces dont ils se revêtaient. Ils étaient convenus de ne se faire voir l'un à l'autre que lorsque la toilette serait complètement achevée. « As-tu fini ? » demanda Jean le premier. « Simon, pas encore. Attends un instant, je passe mon habit. » À un signal convenu, les deux frères se retournèrent et poussèrent une exclamation joyeuse. « Jean, que tu es beau, Simon ! Tu as l'air d'un vrai monsieur !» Simon, « Et toi donc, un prince ne serait pas mieux ?» Jean, « Comme tes cheveux sont lissés et bien arrangés !» Simon, « Et quelle jolie tournure tu as !» Jean, « Et comme tes pieds paraissent petits, et comme ta taille paraît élégante !» Ce bon, excellent monsieur peintre, si je le voyais, je crois que je ne pourrais m'empêcher de l'embrasser. Simon, et moi, je lui serrerais les mains, à lui briser les os. Jean, riant, pour ça non, par exemple, je ne veux pas que tu lui brises les os, ce serait une jolie manière de lui prouver notre reconnaissance. Simon, riant, c'est une manière de dire, tu penses bien, seulement pour exprimer combien je suis heureux et reconnaissant. Jean. « Mademoiselle Aimée va te trouver joliment beau. » Simon. « Oui, elle ne m'a jamais vu bien habillée. Tout juste, ça me chiffonnait de paraître à son bal en habits étriqués et usés. » Jean. « Et grâce à notre cher bienfaiteur, nous allons être superbes. » Simon. « Oui, nous ferons l'effet de 2 gros bourgeois avec nos gants et nos chapeaux. » Jean. « Et nos brodequins et nos cravates. » Simon. « Et nos chemises fines et nos mouchoirs. » Jean, dis donc, Simon, il faudra nous moucher souvent. Simon. Oui, j'y ai déjà pensé. Mais au lieu de nous moucher, ce qui salirait nos mouchoirs, il faudra seulement les tirer souvent de nos poches et nous essuyer le front. Je l'ai vu faire à Monsieur Abel l'autre soir chez Monsieur Pontois. Jean, comment fait-on ? Tu me feras voir ? Simon. Oui, je te préviendrai et tu me regarderas faire. Jean. Tu choisiras le moment où Mademoiselle Aimée te regarde. Simon. Toujours, chaque fois qu'elle me regardera, elle verra mon beau mouchoir. Fin de la section 7.